France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Parmi les fondateurs oubliés de la psychanalyse, l'un des plus intéressants est sans doute Auquin, Otto Rank. Son parcours d'autodidacte génial et sa finesse clinique font de lui un des tout premiers grands inventeurs de concepts. Il théorisa le traumatisme de la naissance. Ce grand penseur et clinicien viennois cultivé, qui avait été dès 1906 le secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne, finira exclu des cercles analytiques. Il mourut en 1939 à New York, à l'âge de 55 ans, et en 1997, Bénédicte Niogret retraçait sa vie et son œuvre. À une autre époque, il aurait péri sur le bûcher. Bon, il n'a pas été limogé de cette façon-là, n'est-ce pas ? Mais on l'a limogé, n'est-ce pas, en le vouant au silence, n'est-ce pas, à l'obscurité, n'est-ce pas ? Il a été éliminé, mais il est radicalement hérétique. Volonté psychothérapie, c'est presque un pamphlet. C'est pas le ton du pamphlet, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un texte violent, n'est-ce pas, agressif. C'est un texte qui est modéré, n'est-ce pas, qui est respectueux. Mais Freud ou la pratique freudienne en sortent complètement remis en question. Une vie, une œuvre. Otto Rank, la volonté créatrice. Une émission de Bénédicte Niogret dans une réalisation de Jean-Claude Loiseau. Alors cet oubli de l'histoire tient à beaucoup de choses. Je crois qu'il tient d'abord au rang très important qu'a occupé Otto Rank auprès de Freud et qui n'a pas été sans susciter un certain nombre de jalousies d'autres psychanalystes qui étaient proches de Freud, mais moins proches apparemment. Et surtout au fait que Otto Rank s'est séparé de Freud à partir de 1924 et a élaboré des théories s'éloignant de plus en plus de la psychanalyse à proprement parler et des idées de Freud, et que ça a été un déchirement, un de plus parmi ceux que l'histoire de la psychanalyse a pu connaître, mais un déchirement particulièrement important sur un plan affectif, dirons-nous. Au point qu'on a après répandu toute une série d'assertions selon lesquelles Otto Rank avait été victime de troubles mentaux. Entre autres, c'est Ernest Jones, le biographe officiel de Freud, qui a été le principal instigateur de cette histoire. Il faut dire qu'ils ne s'aimaient pas tous les deux. Donc ça a contribué, si vous voulez, à ce que le nom d'Otto Rank, pendant très longtemps, reste un peu oublié. En plus de cela, Rank a fini sa vie en Amérique. Et là, il y avait un risque très grand de concurrence entre la psychothérapie, puisqu'il faisait à cette époque-là plus une psychothérapie que de la psychanalyse. Il y avait donc un risque de concurrence très important pour les psychanalystes américains qui, je crois, ont tout fait pour étouffer le plus possible le travail d'Otto Rank. J'ai retrouvé dans les lettres la grande correspondance de Freud et de Jung. Le premier jugement de Jung sur Rank, Freud lui avait fait lire L'Artiste, qui est le premier ouvrage de Rank de 1906. Et Jung réagit assez vertement, en fait, en disant... Alors sa phrase est d'abord latine, il l'a traduit évidemment en français ensuite. « Il jure par les paroles du maître et l'empirie lui fait défaut. » Et il y a là, d'ailleurs, je trouve, une sorte de jugement intuitif assez juste sur Rank, dans la mesure où le premier Rank, si on peut dire, c'est-à-dire le Rank tout à fait fidèle au maître, aimant profondément Freud tout et l'admirant, il y a quelque chose d'une reproduction de la manière de penser, de la manière même peut-être d'écrire. Il faudrait voir ça dans le texte original, hein, pour en être tout à fait sûr. Il jure par les paroles du maître. Et l'empirie lui fait défaut, c'est une critique évidemment qui vient d'un psychiatre qui a une expérience clinique très importante, alors que Rank à cette époque-là n'en avait aucune. Quel jour sombre dans l'année, quelle triste jeunesse, lorsque l'enfant descendit sans bruit vers les eaux glacées et les poissons d'argent. Repos et vision, lorsqu'il se précipita pétrifié devant les chevaux emballés et que sur lui s'arrêta son étoile dans la nuit grise. Ou lorsque, tenant la main glacée de sa mère, le soir, il passa par le cimetière automnal de Saint-Pierre, et qu'un frêle cadavre, couché silencieusement dans les ténèbres de la chambre, ouvrit sur lui ses froides paupières. Mais lui n'était qu'un petit oiseau dans les branches dénudées. La cloche sonnait dans le soir de novembre. Et le calme de son père, comme il descendait en dormant l'obscur escalier tournant. Georg Trakl. Otto Rank. Un certain mystère entoure ce nom, principalement pour un public francophone. Pionnier de la psychanalyse, il a approfondi ce qu'il a lui-même appelé le traumatisme de la naissance, et il a particulièrement exploré le refoulement créateur de la névrose. Il est né à Vienne, en 1884, dans une famille d'ouvriers, mort à New York, en 1939. Son œuvre est en partie en allemand, en partie en anglais. Une dizaine d'ouvrages ont été traduits en français. Alain de Mijola est psychanalyste et historien de la psychanalyse. Les origines sociales d'Otto Rank sont assez modestes, effectivement. C'est une famille juive qui vient de la partie est de l'Europe centrale. La mère venait de Moravie, le père lui venait des environs de la Hongrie. Et Otto Rank est né à Vienne, donc le 22 avril 1884. Et il a été élevé dans la ville de Vienne. Il a fait des études sans problème, avec quand même la notion de maladie. C'était un enfant fragile. Et il a eu de nombreuses maladies, dont une assez grave, qui était un rhumatisme articulaire aigu. Alors ces maladies et ces gènes ont amené très tôt à faire des études sur un plan technique, entrer dans un collège technique, puis à subir une formation de tourneur, métier qu'il a commencé à exercer. Mais en même temps, c'était un passionné de littérature, un passionné de culture, un autodidacte, passionné de musique aussi, et qui très très tôt a commencé à écrire ce journal qu'écrivent tous les adolescents, et très vite s'est intéressé à des problèmes, a commencé à écrire toute une monographie sur l'art et les artistes. Il avait été traité un moment par Alfred Adler, qui était un médecin dans les quartiers pauvres juifs de Vienne, où habitait Otto, qui s'appelait encore à ce moment-là Rosenfeld, mais qui va, justement à l'âge de 19 ans, changer son nom pour celui de Rank. Rank a plusieurs significations, d'ailleurs, en allemand. A plusieurs significations, mais entre autres, c'est surtout le personnage d'Ibsen, Dans la maison de poupée. Voilà, la maison de poupée, c'est le docteur Rank, et c'est là, je pense, là encore, une fois de plus, un clin d'œil à la culture qui marquera à tout jamais la vie d'Otto Rank. Donc, Otto Rank, devenu Rank, s'intéresse par l'intermédiaire d'Alfred Adler à Freud, et on suppose que c'est aussi par cet intermédiaire qu'il va envoyer à Freud un manuscrit, ce fameux manuscrit de son premier travail sur l'artiste. Ça, c'est en 1905. Les rêves, qui, dans le cadre de la nouvelle interprétation de Freud, semblaient pleins de promesses pour l'élucidation de la créativité artistique, s'avéraient, pour qui se penchait avec plus de soin sur le problème, incapables de mener au-delà d'une analogie de surface. Le fait que nous rêvons tous, et que dans nos rêves, nous sommes tous, suivant la magnifique comparaison de Schopenhauer, des poètes de la taille de Dante ou de Shakespeare, suffit en soi pour attirer notre attention sur le fait que nous sommes dans l'ignorance de ce qui permet à Dante ou à Shakespeare de réaliser à l'état de veille ce que nous faisons tous, selon Schopenhauer, lorsque nous dormons. Aux moyens dont ils disposent et à leur imagination onirique créatrice, ils ajoutent tous une idéologie particulière. Nous sommes ainsi ramenés à notre question, à savoir que les individus sont poussés à accomplir et capables de réaliser ce que les préalables psychologiques rendent possible. Freud a considéré pendant longtemps le petit Rank, comme il l'appelait dans les lettres, comme son fils, comme un fils, disons. Et certains même disaient qu'il s'en occupait et qu'il s'était préoccupé de lui beaucoup plus que de ses propres fils. Et de fait, Otto Rank a eu aussi pour Freud. Freud avait 28 ans de plus que Rank. Hein. Quand ils sont connus, Rank était très jeune, il avait à peine 20 ans. Mais il est séduit par l'intelligence, par la vivacité, par l'ouverture de ce jeune homme. Et donc, il va essayer de l'aider. Alors, il l'aide en le faisant engager comme secrétaire de ce tout nouveau petit groupe qui vient de se former, qui a d'abord été un groupe du mercredi, qui comprend Stekel, qui comprend Alfred Adler, qui comprend toute une série d'analystes des tout premiers, Hans Sachs, par exemple, qui va arriver, qui lui aussi est un non-médecin et qui est aussi dans les tout premiers, comme Max Graff, le père du petit Hans, enfin toute une série de gens qui viennent et qui forment ce qui va être plus tard la première société psychanalytique, la Société psychanalytique de Vienne. Et Otto Rank va devenir le secrétaire appointé de cette société et chargé de rédiger les comptes rendus des réunions de ces analystes qui se disputent, qui ne sont pas d'accord et qui sont là et qui tous étaient obligés de parler, parce qu'ils étaient tous obligés de parler, et Freud terminait, c'était lui qui concluait, n'est-ce pas ? C'est le grand maître. Hein. Donc cette période de la vie d'Otto Rank va durer presque 2 décennies. Eh oui, ça va durer effectivement. Enfin, ça va surtout s'augmenter parce que il va avoir d'autres titres et d'autres fonctions. Il va d'abord, lui-même poursuit à ce moment-là ses études. Il passe son baccalauréat en 1908. Il a donc 24 ans et il va entrer à l'université pour préparer son diplôme. En 1908, d'ailleurs, il se convertit au catholicisme. Ça va pas durer très longtemps puisque 10 ans plus tard, pour son mariage avec Beata, il se reconvertira au judaïsme. Donc il devient, en 1912, docteur. Il a un doctorat d'université. L'apprenti tourneur est donc devenu un scholar, comme on dit en américain, devenu donc un universitaire. Et il obtient son doctorat. Mais en même temps, cette même année 1912, pour vous montrer l'ascension de ce petit Rank, eh bien cette même année 1912, il crée avec Hans Sachs une revue qui s'appelle Imago et qui va être une revue très importante parce que c'est la première revue de culture. C'est-à-dire que là, il n'est pas question uniquement de technique et de théorie psychanalytique, mais de la psychanalyse telle qu'elle peut être utile pour comprendre les œuvres d'art, pour étudier les biographies des artistes, des écrivains, etc. C'est vraiment Imago est la première manifestation de l'importance de la psychanalyse dans la vie culturelle du XXe siècle. La guerre arrive, guerre de 14-18, et là c'est le premier éloignement entre Freud et Rank. Rank est envoyé en Pologne, à Cracovie, où il devient le rédacteur en chef du journal de son armée, du journal de Cracovie, et il écrit à certains moments, presque tous les jours, à Freud pendant cette période de guerre. Et donc a-t-il eu une dépression effectivement ? Non. Parce qu'on a dit qu'il avait beaucoup changé effectivement après son retour à Vienne. Oui, il a changé pendant cette période. Cette période a, je crois, été celle pour lui d'une séparation. Séparation d'avec Vienne, séparation d'avec Freud, séparation d'avec ce milieu dans lequel il avait retrouvé une seconde famille. Et je crois que c'est très important. C'est aussi à ce moment-là qu'il rencontre Beata et qu'il va l'épouser en 1918. En 1919, il va devenir père de famille avec Hélène. Donc, il y a ce changement assez grand, effectivement. Et le petit Rank revient de guerre, changé autre, plus sûr de lui. Et les rapports avec tout l'entourage de Freud vont s'envenimer assez rapidement. D'autant qu'il a des idées. Je crois qu'on a fait des tests sur les rêves. Je pense à l'époque où l'on adressait à différents analystes des récits de rêves et où l'on pouvait voir que chacun en donnait une interprétation différente. Chacun pense qu'il a raison et l'autre tort, mais ils obtiennent tous des résultats ou peuvent obtenir des résultats thérapeutiques. Comment cela se peut-il? Je pense que l'on ne peut l'expliquer qu'en s'appuyant sur le point de vue suivant. Le patient s'interprète lui-même d'une certaine façon. S'il est névrosé, vous pouvez lui donner une autre interprétation, quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit différente. Pour le moment, il l'acceptera, et cela peut l'aider à porter sur lui-même un autre regard. Une des choses qui ont intéressé parallèlement Rank et Jung, c'est donc le mythe de la double naissance. Aimé Agnel, analyste jungien. À ce propos, on peut mieux voir de façon plus concrète, en tout cas, comment ce mythe peut être utilisé par un patient, une patiente, dans le cours d'une analyse. Il s'agit pour moi essentiellement des cas dits borderline, c'est-à-dire des états limites. Cette famille de souffrance, si on peut dire, qui est entre la névrose et la psychose. C'est très près de la psychose dans la mesure où il semble que la membrane qui sépare le conscient de l'inconscient soit très poreuse. Et donc que les informations venant de l'inconscient soient nombreuses, importantes et parfois même envahissantes. Mais dans les cas dits borderline ou état limite, le moi est suffisamment fort pour supporter cet envahissement et pour essayer de se distinguer lui-même de ça, au contraire de la psychose, où l'envahissement serait tel que le moi serait perdu. Alors, un cas qui se retrouve assez fréquemment dans ces états limites, qui sont caractérisés en particulier par le fait que le patient dit ne pas avoir été éduqué, ne pas avoir de parents. Et vit justement ce roman familial dont parlait Freud et qu'a repris Rank, à savoir l'idée, le fantasme d'autres parents qui existeraient. Mais si on analyse assez à fond ce que disent ces personnes, on s'aperçoit qu'en fait, ce dit fantasme de parents plus prestigieux représente une défense remarquable contre l'effondrement, une défense très utile, une défense créatrice, créative, vivante, qui maintient vivant, qui maintient en survie des personnes qui, sans cela, seraient certainement effondrées et basculeraient éventuellement du côté de la psychose. Enfin, Rank a eu besoin, c'est comme d'ailleurs dans tout, dans une analyse, c'est la même, il a le même parcours qu'un vrai, un bon parcours analytique, à savoir que pendant tout un temps, il faut s'appuyer sur une figure paternelle solide pour pouvoir aborder la relation avec la mère. Rank a eu grand besoin de, pendant de nombreuses années, de s'appuyer sur le personnage paternel très fort de Freud. Arrive la séparation, et à ce moment-là, par la séparation, il peut revivre quelque chose de l'ordre de la première séparation, qui est la séparation du bébé qui sort du ventre de sa mère. Quels donc je crois les que liens? C'est à la guerre de 14 même, plus tôt, et à ce qu'il a pu à ce moment-là ressentir, ce qu'on a appelé sa dépression, probablement à tout un épisode qui s'est passé dans son auto-analyse, qui explique son parcours. Le fait qu'il puisse aborder une femme, alors qu'avant, on ne sait pas très bien sa vie sexuelle, hein, là, il trouve une femme qui est jolie, qui est agréable, qui a 11 ans de moins que lui. Et bon, il devient père de famille, il découvre donc la femme. Et ses théories vont aussi découvrir la femme et découvrir la mère. Elle cherchait l'amour comme un remède lointain. Mais en fait, elle voulait seulement apprendre de quoi il retournait. Peut-être cela m'apportera-t-il le calme, la paix, pensait-elle. Ou bien, qu'en est-il du beau monde sensuel? Comment est-ce? Peut-être peut-il servir? Elle considérait toujours ces choses qui doivent jaillir de l'intérieur, mystérieuse et surprenante floraison, comme des remèdes à un quelconque mal de l'organisme. Pour la fièvre, la quinine. Pour la mélancolie, l'ivresse des sens, l'amour. Elle les absorbait comme des médicaments, avec méfiance, se sentait momentanément soulagée, et soudain la maladie s'insinuait de nouveau qui éparpillait les ennemis, les réduisait avec ses poings impitoyables et les écrasait sur le sol. « Je reviens toujours à moi », sentait-elle, « comme c'est dommage. Peut-être que si elle buvait, fumait, et bref, si elle affaiblissait son système nerveux et qu'elle le maintint dans une ivresse artificielle. Mais ce sang jeune, rouge, bouillonnait dans son corps, dans le cerveau. Le cœur était en ébullition, nourrissant et excitant les nerfs qui sautaient et criaient sous la force et la vie. Peter Altenberg. Toute la question ensuite, et c'est... C'est au cours d'une longue analyse que ça peut se traiter, se vivre, c'est de faire se rejoindre cette conception mythique du patient, borderline, à la réalité concrète de sa vie. Parce que ces patients disent aussi qu'ils ont survécu grâce à ça, grâce à ce mythe, mais qu'en même temps, ils n'ont pas de racines. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient projetés dans une sorte de ciel ou dans une nature mère, tout à fait sécurisante, mais relativement sécurisante aussi, mais qui les coupe de leurs racines et donc de leur histoire. Et tout l'effort de l'analyse, ce sont souvent de longues analyses, bien entendu, consiste à tout en même temps sauvegarder, accepter de considérer comme une valeur ce mythe de la double naissance et en même temps permettre la comparaison, le lien entre ses parents prestigieux et puis la réalité très terre-à-terre et souvent douloureuse des parents réels. Donc là, Jung a, on le sait, exploré très loin cette piste. Autorank en a parlé un petit peu dans, dans ses écrits, mais on ne sait pas si d'un point de vue thérapeutique, il a vraiment utilisé cette technique. Non, il semble même, mais ça je ne le sais que par ouï-dire. Il faudrait voir les choses de plus près et faire un travail de première main, mais qu'il n'ait pas vraiment utilisé le mythe dans sa conception thérapeutique. Donc là, c'est quand même une grande différence entre les deux oui, hommes. Oui, oui. L'éloignement de la réalité n'est chez le névrosé qu'une apparence. Une espèce d'unité magique le relie à la plénitude de vie qui l'entoure. Le névrosé s'est potentiellement incorporé toute la réalité en vertu de quoi il peut, à l'occasion, la sortir de lui-même d'une façon créatrice. Mais cette créativité même, qui a l'air de retrouver le chemin de la réalité, selon Freud, dresse toujours, pour le type productif lui-même, une barrière entre lui et le monde. Car l'œuvre d'art achevée représente la personnalité totale ainsi que la réalité totale, ce qui signifie qu'elle est toujours la totalité personnelle intérieure et non la réalité extérieure réelle. Mais l'affirmation de ces idées personnelles, donc notamment dans ce livre qui est peut-être un des plus connus de Rank, « Le traumatisme de la naissance », c'est ce livre qui va marquer la rupture, qui est à l'origine de la rupture. Ce livre est à l'origine de la rupture. Enfin, il s'accompagne de beaucoup de choses. C'est l'année 1924. L'année 1924 est donc l'année tout à fait cruciale. Elle succède à une année non moins cruciale qui est 1923. 1923, c'est le cancer de Freud. C'est l'opération du cancer de Freud. Et c'est vrai que cette opération, suivie après du diagnostic, on cache à Freud pendant un certain temps, mais que les proches se chuchotent, c'est un cancer, va bouleverser cet univers qui repose entièrement autour de ce maître prestigieux, de cette espèce de personnage quand même hors du commun, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'a pu être Sigmund Freud. Et on suppose que le lien, précisément filial, que Rank avait avec Freud, là, le met dans une situation affective également de grande perte. Et ceci s'accompagnant d'un moment où ses idées personnelles l'amènent aussi à s'éloigner. Donc, à la fois, il s'éloigne, mais il s'éloigne de quelqu'un qui, dans le fantasme, doit mourir. En fait, Freud mourra... 20 ans plus tard. Voilà. Bon, hein, donc, mais pour tout le monde, ça y est, c'est quelque chose de grave se passe. Parallèlement, il a son idée, l'idée qui est l'idée du traumatisme de la naissance, donc qui paraît en 23, qui dédicace à Freud un témoignage d'admiration et d'amour, donc, mais, et qui au départ est relativement pas trop mal accueilli par Freud, dans lequel pointe quand même l'idée que le personnage le plus important, ça n'est pas le père, comme la théorie freudienne le pensée qui organisait tout autour du père de la horde primitive, du père de la préhistoire personnelle, qui s'incarne après dans le surmoi, etc., puisque là, en 23, apparaît la deuxième topique. Hein. Bien. Donc, il y a toute une théorie très, très, très, très importante de Freud qui l'a aussi fait reposer toute l'évolution du transfert sur un transfert paternel sur le psychanalyste, qui est d'un seul coup contredite par Autorank. Et Autorank est effectivement le premier à avoir théorisé ce sur quoi maintenant tout le monde parle, c'est-à-dire effectivement l'importance de la mère et l'importance des relations tout à fait primaires et archaïques avec la mère. Alors pour lui, le premier traumatisme, celui qui se répète toute la vie, c'est celui de la séparation de la naissance, et c'est également celui qu'il faut faire revivre au patient pendant la cure, parce que ça n'est qu'en l'élaborant et qu'en le dépassant, ce traumatisme de la séparation, que le patient pourra retrouver une liberté et une autonomie. Gorachikai vicharit kiten zai. Si Freud avait adopté le mythe d'Œdipe comme métaphore explicative à la névrose, Rank a cherché à tout expliquer lui à partir du traumatisme de la naissance et il prend l'idée de l'expulsion du paradis, c'est-à-dire que avant la naissance, l'enfant serait dans un bien-être global et total. Parfait, total, et la sortie du ventre maternel serait le début de l'angoisse. Vous-même, Pierre Bitoun, vous êtes pédiatre, donc à longueur de journée, vous voyez ces enfants qui ont franchi cette étape. Est-ce que c'est un peu une observation qui vous paraît pertinente ? Oui, je crois que c'est bon. C'est très clair et net les premiers mois, quoi. C'est vrai que on peut discuter de l'idée d'Otoran que ça, c'est quelque chose qui joue la vie entière, hein, puisque c'est sa théorie. Et c'est vrai qu'il y a des choses. Bon, je pense pour la pathologie mentale, il y a beaucoup d'exemples qui ont l'air très convaincants. Mais c'est vrai que chez l'enfant, c'est facilement vérifiable. Par exemple. Enfin, si on pense à l'idée que le nouveau-né est baigné donc dans un bain naturel, chaud, un massage permanent, etc. Bon, on voit des fois des enfants qui pleurent beaucoup les premiers jours ou les premières semaines parce qu'on les touche pas assez. Et je pense qu'effectivement, c'est facile de comprendre que l'enfant a besoin de ce contact physique. Bon, parfois même on recommande des massages chez les nouveau-nés qui se font beaucoup dans certaines cultures les 3-4 premiers mois. Et c'est vrai que c'est assez ponctuel à cette période-là, parce qu'au-delà, l'enfant supporte beaucoup moins bien ces choses-là. Mais par contre, jusqu'à 3-4 mois, il apprécie énormément ce contact, surtout le massage du dos qui lui rappelle donc ce soutien qu'il a tout le temps en permanence au niveau du dos. Il y a une chose qui est intéressante chez l'enfant, c'est quand on le baigne. Quand on baigne les nouveau-nés, très souvent ça se passe mal. Et les parents ont du mal, les enfants crient, etc. Et ce qui est facile à faire, c'est de baigner l'enfant en mettant les oreilles dans l'eau. Et quand on met les oreilles dans l'eau, beaucoup de parents n'osent pas faire ça, ils ont peur que ça leur donne des maladies ou je sais pas quoi. Et donc, quand on fait ça, et ben, l'enfant se calme. Pourquoi ? Parce qu'il entend des bruits qu'il connaît. Il entend la voix de ses parents à travers l'eau, il entend des bruits filtrés et les bruits de l'eau elle-même. Quand on les regarde, les nouveau-nés qu'on baigne les premiers mois, ils sont vraiment ailleurs, on a l'impression qu'ils sont vraiment au 7e ciel. Et c'est ça qui m'a un peu convaincu que la théorie. Parce que moi j'avais observé ça avant de voir en détail la théorie d'Otoranc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande couramment aux parents pour calmer l'enfant. Et est-ce qu'au moment même de la naissance, au moment de l'accouchement, il y a justement moyen d'atténuer ce traumatisme ou est-ce qu'il va se produire quoi qu'il en soit ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bébés qui pleurent pas à la naissance. On a toujours cette idée, d'ailleurs dans le livre, que l'enfant hurle dès qu'il est né. Ça peut se passer bien et il y a des bébés qui pleurent pas. Si l'expulsion est pas trop rapide et que l'enfant donc a le temps de s'extraire en douceur, de passer la filière génitale, bon, on peut à ce moment-là, si on le met directement sur le ventre de la mère et qu'on le sèche, il a pas froid, il est au chaud, il entend la voix de sa mère comme il la connaît, la voix de son père qu'il connaît aussi. Et puis, ça se passe en douceur. C'est pas obligé que l'enfant hurle. Bon, il y a aussi maintenant des maternités où on accouche dans l'eau. Dans certaines régions d'Afrique, il y a aussi l'idée que l'enfant à la naissance n'est pas achevé. Oui. Et donc, il y a différentes pratiques, soit parce qu'on lui donne à manger, soit par des gestes qu'on fait sur lui, justement pour finir le travail. Est-ce que vous croyez que ça a un sens ? Oui, moi je crois que c'est clair que, comme on dit, il faut 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour couper le cordon. Et c'est vrai que moi je crois que l'allaitement a une place importante. Et justement, en maintenant ce contact physique, en maintenant ce contact sensoriel, parce qu'il y a le goût du lait qui est très proche du goût du liquide amniotique et qui varie comme le liquide amniotique en fonction des aliments de la mère. Et donc il y a cette continuité-là du goût qui est très importante au point de vue stimulation sensorielle de l'enfant et de la même manière l'odeur de la mère, l'odeur du lait qui est la même que l'odeur proche du lait, liquide amniotique. Donc tout ça, ce sont des sensations que l'enfant revit quotidiennement. 6 ou 10 fois par jour quand il est allaité. Et quand il n'a pas ce contact physique, il n'a pas ça. Au départ, Autoranc a eu son idée du traumatisme de la naissance par analogie à ce qu'il avait constaté en fin de cure analytique, où les analysants avaient l'impression de vivre une deuxième naissance. Oui. Et c'est comme ça qu'il en est venu à cette idée du traumatisme biologique de la naissance. Est-ce que vous pensez que ce parallèle est effectivement valide ? C'est vrai que je pense qu'en psychanalyse, il y a cette notion que le psychanalyste devient un peu la mère et que l'analysant doit donc se séparer de cette mère et donc avoir une seconde naissance et revivre et résoudre ce traumatisme en le revivant à rebours. Les dernières recherches des historiens de la civilisation ont mis hors de doute que, de même que le cercueil et ses succédanés primitifs, les tombeaux creusés dans les arbres et dans la terre, ou les tumuli dans lesquels les cadavres étaient placés dans la position fœtale, ne sont que de simples reproductions de la cavité intra-utérine dans laquelle on aspire à retourner après la mort, les habitations primitives des vivants, que ce fussent des cavernes ou des arbres creux, n'étaient choisies instinctivement, à leur tour, que pour autant qu'elles rappelaient la chaude et protectrice cavité intra-utérine, le même souvenir inconscient guidant d'ailleurs les oiseaux lors de la construction de leur nid destiné à remplacer la coquille d'œuf protectrice. Qu'il s'agisse de la cabane en feuillage primitive, qu'il s'agisse des temples gothiques du Moyen-Âge, qu'il s'agisse enfin des gratte-ciels américains avec leurs façades lisses et leurs enfoncements destinés à abriter les ascenseurs, partout et toujours nous nous trouvons en présence d'une reproduction qui dépasse le simple symbolisme du rêve, qui dépasse même l'art comme tel. Pour autant que toutes ces créations visent à remplacer, sous une forme plus ou moins rapprochée, la situation primitive, c'est-à-dire la situation intra-utérine. Le traumatisme de la naissance. Avec l'Amérique, parce que c'est en 24, donc Autoranc part pour la première fois en Amérique. L'Amérique et les Américains, dont Freud disait, j'ai souvent pensé que l'analyse allait aux Américains comme une chemise blanche à un corbeau. Et donc voilà l'Amérique surtout, où Jung avait lui aussi fait en son temps un voyage qui préludait la rupture. Tout ça est de mauvais augure. Rank en Amérique. Et Rank, à ce moment-là, expose le traumatisme de la naissance, qui apparaît aux Américains comme vraiment « Ah ben ça y est, c'est la nouvelle psychanalyse, c'est comme ça qu'on analyse à Vienne. » Donc, grand malentendu au départ. Et ce malentendu amène dispute, repentir. Rank va même faire quelques séances, un temps d'analyse avec Freud pour essayer de débloquer un petit peu la situation, mais rien n'y fait. Et il vient de plus en plus à Paris, effectivement, où il a des contacts au début avec les premiers psychanalystes. Et Rank va partager sa vie, en ayant fait venir d'ailleurs sa femme à Paris. Sa fille, elle, va aller dans une école en Suisse et va partager sa vie entre Paris et l'Amérique, où il devient de plus en plus connu, où ses livres et ses articles sont traduits en anglais et où il commence à avoir une clientèle fidèle. Clientèle tellement fidèle qu'il va en arriver petit à petit à abandonner complètement la technique psychanalytique, à abandonner au bout d'un certain temps également le divan, pour une technique personnelle qui est basée sur le présent. Il n'est plus question d'histoire, il n'est plus question de remémoration, mais il est question de travailler dans le présent, dans le hic et nunc tout à fait, et en un temps très bref, 3 mois, les cures doivent être courte. C'est parce que, dit-il, on s'intéresse à ces histoires du passé, que ça dure pendant des temps et que ça crée des liens impossibles à résoudre. Moi, je suis pour quelque chose de plus radical, de plus rapide. On peut arriver, il faut surtout que les gens puissent dégager leur créativité. Car c'est ça, là aussi, la grande idée de Rank, c'est que nous avons tous en nous un potentiel de créativité. Il appellera ça aussi la volonté, on a cela en soi et il faut la débrider pour que on puisse exalter les capacités créatrices que l'on a en soi. Lorsque j'ai traduit « L'art et l'artiste », je crois, je n'ai pas mauvaise conscience, n'est-ce pas, de le reconnaître, sans me rendre compte, vraiment, de la portée de cet ouvrage. Claude Louis Combet. C'est en le relisant, n'est-ce pas, récemment, n'est-ce pas, que j'ai découvert, enfin, la richesse de ce travail. Donc, je ne peux pas dire que la pensée de Rank m'est influencée personnellement dans mon travail littéraire. Mais ce que je peux dire, c'est que en relisant Rank, j'ai découvert à quel point il avait une intuition sensible et juste de l'artiste moderne et que son discours, à bien des égards, me concernait. Je crois qu'à tout moment, n'est-ce pas, dans le développement de sa ligne de pensée et la façon dont il parle de l'artiste moderne, je me suis très souvent retrouvé, situé, et j'ai reconnu la justesse de ses propos. Par exemple, quand il compare l'artiste primitif à l'artiste classique et au romantique, le romantisme c'est le point de départ, n'est-ce pas, de la sensibilité moderne, et les artistes d'aujourd'hui, on peut les considérer, n'est-ce pas, comme dans le prolongement de la sensibilité romantique, par leur individualisme notamment. Il dit par exemple, le créateur primitif, archaïque, s'exprimait dans son rapport à la transcendance sacrée. Il était directement en proie au sacré. Et par l'expression artistique, d'une certaine façon, il était en prise sur le sacré. Mais avant d'être en prise, il était en proie, n'est-ce pas, au sacré. Et il s'exprimait donc dans ce style abstrait. L'œuvre classique est une œuvre qui exprime un équilibre profond entre l'homme créateur, la raison universelle et les idéaux collectifs. Il insiste beaucoup, n'est-ce pas, sur la motivation qui pousse l'artiste contemporain à faire de son œuvre l'expression d'un amour, n'est-ce pas, d'un amour impossible, d'un amour impraticable. C'est tout le thème romantique de la muse. La muse, n'est-ce pas, qui inspire. Et donc, l'artiste moderne est celui qui cherche hors de lui une justification de son entreprise d'expression. Et en particulier, n'est-ce pas, dans la femme et dans l'amour. dans la personne de Donna Anna, qui venge les lois de la morale lésée, nous avons déjà reconnu, sous la forme d'une amoureuse romantique, la résurrection de la mère, ange gardien. Ainsi, le sujet s'humanise de plus en plus chez les poètes modernes. Le héros périt parce qu'il a trahi l'amour noble et spirituel de la femme, et non pas parce qu'il a commis un sacrilège. Le Don Juan typique ne veut pas abandonner son immortalité narcissique. Il se défend contre cette libération de son narcissisme que lui procurerait l'amour d'une femme, son véritable double spirituel, capable de le débarrasser du joug de son moi et de l'enrichir infiniment en même temps. D'artiste et donc de créateur, il fait une comparaison assez intéressante et j'aimerais avoir votre réaction vous-même en tant que thérapeute entre le rôle justement du thérapeute et celui de l'artiste. Oui, mais là, c'est pas seulement celui de l'artiste, il a raison parce qu'il voit dans la thérapie une activité créatrice et en ça, il rejoint tout à fait Jung. Aimé Agnel. Non, il n'a pas pu connaître effectivement les avancées de Jung. En fait, le Jung définitif, si on peut dire, enfin, qui est allé jusqu'au bout de ses intuitions, c'est le Jung des années 40 et 50. Et donc, Rank, mourant en 1939, n'a pas connu cet aspect de Jung. Mais les intuitions propres à Rank recouvre vraiment assez profondément celle de Jung, et en particulier de ce dernier Jung qui est allé jusqu'au bout de ses intuitions. Et dans le texte « Le thérapeute et le névrosé comme type complémentaire dans Volonté et psychothérapie », alors on retrouve complètement les indications et les remarques de Jung dans sa psychologie du transfert. En particulier, par exemple, le rôle qu'il donne au thérapeute qui ne doit pas être seulement donc le représentant d'une sagesse investie dans l'habileté technique, mais qui n'est un remède pour l'analysant ou l'analysante que dans la mesure où il est un être humain total. Alors Jung disait, en citant les alchimistes, l'art requiert l'homme tout entier. C'est cette même idée. Ça veut dire bien que le remède, donc, n'est pas dans le savoir de l'analyste, oui, mais dans sa personne même. Voilà, c'est ce que Jung disait à sa façon, disant qu'il fallait se méfier énormément de la persona médicale, c'est-à-dire de la représentation du rôle auquel, malheureusement, le moi du thérapeute peut s'identifier. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité d'aide réelle. Comme tout le monde, je voulais tout. Je voulais avoir cette oasis, cette protection, et en même temps pouvoir être libre, explorer et mener vraiment une vie d'écrivain à ce moment-là. Anaïs Nin évoque Otto Rank. Il m'avait tellement intéressée parce qu'il avait écrit un livre que nous avions tous lu à ce moment-là. Henry Miller aussi avait puisé beaucoup dans ce livre de Art and Artists. Oui, l'art et les artistes. Artistes. Et il avait une grande compréhension de l'imagination. Il était lui-même un écrivain, oui, aussi, un romancier. Sa philosophie était allait beaucoup plus loin qu'Alandi. Alain Mijola, autorant qu'une fois à Paris. Cette étape ne sera pour lui que transitoire, puisque c'est plutôt aux États-Unis et à New York qu'il continuera à développer ses idées personnelles et à mettre en place sa nouvelle pratique de la psychanalyse. Oui, mais il la met aussi en place à Paris, dès ces années-là. Sa visite d'adieu à Freud date de 26, avril 26, ça y est, c'est fini, c'est terminé avec Freud. Et le voilà à Paris. Mais le voilà donc à cheval entre les deux. C'est à Paris qu'il va rencontrer Anaïs Nin et Henri Miller. Et c'est un épisode bien connu, puisque on suppose qu'il aura une aventure avec cette mangeuse d'hommes qui était Anaïs, et que Miller va être très jaloux. Il va à un moment faire une petite fugue en 34-35 à New York avec Anaïs Nin, qui va devenir elle-même pendant un temps psychanalyste rankienne avant d'abandonner ce métier. Et bon, tout ça, c'est de la petite histoire. Ce qui est important, c'est de voir à la fois les écrits qu'il produit pendant tout ce temps-là pour développer ses théories sur la mer, théories surtout sur cette volonté, théories aussi sur l'artiste, puisqu'il explique très bien que le névrosé est un artiste qui n'a pas réussi. La névrose est le négatif, finalement, de la créativité artistique, et ça, c'est une théorie à laquelle il tient beaucoup. Et puis, il va en Amérique se heurter au groupe des psychanalystes orthodoxes qui vont bien entendu réfuter ses idées. Et Rank va se trouver très marginalisé pendant tout un temps, alors qu'au départ il a une énorme clientèle. Il va se trouver très marginalisé parce que les attaques se multiplient contre lui. À Paris, par exemple, il n'a plus aucun contact avec les psychanalystes parisiens, alors qu'il en avait eu, comme on l'a vu au début. Et je pense que la princesse Marie Bonaparte joue là-dessus un rôle très important, puisqu'elle transmet, dans les lettres qu'elle envoie à la Forgue, on en a de nombreuses traces, elle transmet la désolation du cercle viennois par rapport à la défection de Rank et le fait que, ça y est, Rank s'est éloigné, donc on n'en parle plus. Et c'est très difficile pour lui d'arriver effectivement à créer autour de lui un noyau suffisant pour vivre. Il a des périodes très difficiles. En plus, je crois, quand on lit sa biographie, qu'il a effectivement... peut-être pas cette psychose maniaco-dépressive dont parle Ernest Jones, mais en tout cas qu'il a un caractère cyclothymique tout à fait évident, avec des périodes d'espèce d'exaltation un peu excessive, et puis d'autres de dépression intense, d'incapacité à créer. C'est une personnalité très torturée que celle d'Otto Rank, et une fois de plus, quand on n'est pas rankien, quand on est freudien, on pense que son enfance peut expliquer beaucoup de choses de son histoire par la suite. Le voilà donc en Amérique, et il donne des conférences, il donne des cours, et puis il a aussi un certain nombre de patients, des milieux d'artistes, etc. Sur le plan personnel, c'est aussi à la même époque que se produit sa séparation avec sa première femme, Beata, et le divorce qui suit. Mais en revanche, à la fin de sa vie, à New York, il va se remarier, pendant même pas une année d'ailleurs, je crois qu'il meurt l'année de son mariage. Rank a rencontré Estelle Buell, qui est une femme qui est jolie, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui lui sert de secrétaire et avec laquelle il va avoir une aventure qui va durer donc beaucoup plus longtemps que les autres, puisqu'il l'épousera en juillet 1939. Et il le vit là pratiquement complètement en Amérique, où il va continuer de faire ses conférences, continuer d'écrire. En particulier, Estelle, justement, tape ses manuscrits à la machine. Il publie son bouquin sur l'art et l'artiste. Il publie La volonté du bonheur. Il publie tout un certain nombre de livres pendant cette période, qui est la dernière période de sa vie. Dernière période qui est aussi marquée par un certain nombre de troubles physiques. Il ne va pas bien. Il a des problèmes somatiques. Et puis, après son mariage en juillet 1939, donc... au moment, très très peu de temps avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il pense avoir trouvé le bonheur, mais il se passe plusieurs choses. Premièrement, le déclenchement de la guerre mondiale. Deuxièmement, la mort de Sigmund Freud, le 23 septembre. Et ça, je ne pense pas que ça puisse avoir laissé Otto Rank indifférent. Quoi qu'il en soit, il a, très peu de temps après, en octobre, une infection de la gorge. Il est hospitalisé et le 31 octobre, il meurt en prononçant, paraît-il, comme dernier mot, comiche, comique. Oui, j'avais été très choquée de découvrir dans une librairie de recherche scientifique, je crois, qu'on avait mis la date de naissance et puis on avait laissé une petite ligne pour la date de la mort. Alors, ça m'a donné l'idée qu'il fallait quand même essayer de connaître les gens qui vous attiraient tout de suite. Et j'ai été le voir. Il avait dit quelque chose de très drôle qui vous fera peut-être plaisir. Il a dit, en France, vous savez, il n'y a pas de névrosé. Je n'arrive pas à gagner ma vie. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais il a dû partir pour l'Amérique. Otto Rank, vous disiez, nous connaissons très mal la femme. D'abord, c'est l'homme qui a inventé l'arme. Oui, il a dit ça très souvent. Il a dit que nous ne savions pas en psychologie ce que la femme sentait parce qu'elle ne sait pas articuler l'irrationnel. C'est en étudiant l'irrationnel, c'est-à-dire l'irrationnel, c'est simplement les émotions dont on ne peut pas expliquer que nous avons cru la femme capricieuse ou ambiguë ou contradictoire. Il se passe dans la politique des choses pareilles, mais nous réussissons à les expliquer. J'ai cru toujours qu'il y avait un langage de la femme et que la femme, en général, quand elle écrivait comme l'homme, elle imitait l'homme. Mais qu'il y avait un langage des émotions, des instincts, que D.H. Lawrence avait un peu essayé de saisir. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le journal. Il avait dit que quand la femme n'était pas névrosée, qu'elle entrait dans la vie, mais qu'elle ne voulait pas créer dans le même sens que l'homme. Mais il y a beaucoup de femmes créatrices aujourd'hui quand même. La rencontre avec Anaïs a été une véritable résurrection. À un moment où Rank, après la rupture avec Freud et puis l'exil aux États-Unis, Rank était très, très dépressif et profondément malheureux. Et la rencontre avec Anaïs Nin a été pour lui une véritable renaissance. Mais... C'était une rencontre à la fois thérapeutique et amicale et... Amoureuse. Une rencontre dans les profondeurs de l'être. Je crois que Rank admirait beaucoup chez Anaïs Nin les qualités d'intuition, n'est-ce pas, les qualités de... Oui, d'intuition de l'irrationnel. Dans Volonté et psychothérapie, Rank dit que, en s'opposant à Freud, il dit que Freud a une conception du patient qui est une conception pédagogique. Freud veut apprendre quelque chose au patient. Il veut apprendre qui il est, ce malade-là, ce névrosé. Il veut lui apprendre ce qu'il est. Et Freud oppose, plutôt Rank oppose sa conception à lui, n'est-ce pas ? Il dit que le rôle du thérapeute n'est pas d'apprendre quelque chose au patient, mais de le comprendre, de le laisser être, de saisir intuitivement, n'est-ce pas, sur un mode affectif, ce qu'il est au fond. Et je crois que Rank trouvait dans Anaïs Nin une disposition extraordinaire à se mettre à la place de l'autre. Certainement, il y avait la recherche du père, mais du guide aussi. Absolument. Celui qui avait de la sagesse, qui pouvait m'orienter. Parce que comme je croyais, comme D.H. Lawrence avait dit, vivre passionnellement et comprendre après, quelquefois, je ne pouvais pas faire ça toute seule. Parce que vous étiez trop jeune? Oui, trop jeune. Parce que personne ne comprend tout de suite. Parce que mes émotions étaient plus fortes que ma raison. et que je voulais comprendre, mais que j'avais besoin d'être aidée. Je crois que la perte du père m'avait laissée assez sans guide dans la vie. Elle a trouvé chez Rank une véritable incitation à créer. Rank a été quelqu'un qui a vraiment encouragé Anaïs Nin à s'exprimer, n'est-ce pas ? Il a senti en elle des qualités, n'est-ce pas, des dons, une créativité. Et alors que dans une époque, il faut dire, qui était quand même passablement phallocratique, et où la femme créatrice n'était quand même pas prise très au sérieux, Rank a vraiment soutenu Anaïs dans ses projets de création littéraire. Zum Kahn für eine Macht zu stehen. Cette enfance extraordinaire du héros est façonnée par les créateurs de mythes particuliers à partir de leur conscience de leur propre enfance. Et en prêtant au héros leur propre histoire d'enfant, ils s'identifient à lui en affirmant, pour ainsi dire, « J'ai été moi aussi un tel héros ». Le véritable héros de la fiction romanesque est donc le moi. Moi qui se reconnaît lui-même dans le héros en revenant au temps où il fut un héros grâce à son premier haut fait héroïque, la révolte contre le père. L'adulte crée donc les mythes au moyen d'un retour fantasmatique à l'enfance en imputant au héros sa propre histoire d'enfant. Le travail de Rank a beaucoup évolué, il a toujours travaillé à partir des mêmes thèmes. Oui. Le héros, l'artiste, l'inceste. Mais en évoluant beaucoup, en reprenant toujours ces mêmes thèmes et en les retravaillant. Oui, oui, oui. Est-ce que, par exemple, on peut penser que certains travaux de Jung ont influencé justement sa révision ? Oui, il le dit lui-même. Enfin, il y a des textes très intéressants de Rank à partir de 1930. Donc, lorsque la séparation d'avec Freud est accomplie, hein, certainement dans une très grande douleur. Et à ce moment-là, son jugement sur Jung se transforme. Le premier jugement de Rank sur Jung est très fidèle à ce qui se disait sur Jung autour de Freud, et surtout au moment de la séparation, en 1912 et 13, entre Jung et Freud. À ce moment-là, les critiques des psychanalystes sur Jung sont toutes les mêmes, c'est-à-dire... Jung a abandonné la théorie de la sexualité, il n'a pas de fondement assez biologique dans ses conceptions théoriques, etc. Et Rank le reprend, bien évidemment. Il fait ces mêmes reproches à Jung. Mais ensuite, il explique que Jung, dans le mythe de la naissance du héros, que Jung s'est trompé ici et là. Et c'est assez intéressant de voir comment il argumente. Mais le jugement de Rank sur Jung se transforme, donc après la séparation de Rank avec Freud. Et en 1930, il dit par exemple que l'énergie primaire de Jung est la même chose que ma libido originaire. C'est-à-dire que sa conception de la libido a évolué, elle n'est plus exclusivement sexuelle, exactement, enfin pas, certainement pas exactement, mais d'une façon assez proche de la conception de la libido de Jung, qui est... l'énergie psychique dans toute sa généralité, qui peut avoir des connotations sexuelles, mais qui peut avoir toutes sortes d'autres qualifications. Et ça a été une des raisons de la séparation de Jung avec Freud, puisque Jung a exposé cette théorie dans les Métamorphoses et symboles de la libido de 1912 qui ont provoqué la rupture. Alors, là, voilà un premier jugement de Rank en 1930 qui... donnerait raison à Jung parce qu'il a retrouvé lui-même dans la liberté qu'il s'est donnée de penser complètement par lui-même après la séparation d'avec Freud des éléments par sa pratique aussi des patients qui existent donc depuis une dizaine d'années à ce moment-là qui lui permet d'avoir cette conception nouvelle de l'énergie psychique, de la libido. Et il note sinon que Jung a certainement été influencé, ce qui est très juste, par lui, dans les métamorphoses et symboles de la libido. Mais bien que d'un autre côté, dit-il, dans sa conception symbolique du héros et du complexe de l'inceste, il aille plus loin. Alors c'est un peu la limite qui reste entre Rank et Jung, c'est-à-dire que Rank n'a jamais reconnu l'existence d'archétypes, bien entendu. Il reste fidèle au noyau freudien du désir infantile, mais tout de même, il reconnaît qu'il y a eu des échanges de l'un à l'autre, qu'il y a des échos d'une œuvre à l'autre, hein, celle de Jung et celle de Rank, et inversement. Pourquoi pensez-vous que toutes ces idées d'Otto Rank, qui effectivement ont donc une pérennité assez vaste, oui, dans l'approche thérapeutique actuelle, ont été complètement oubliées dans le temps? Bien, vous savez, c'est peut-être les Jungiens sont bien placés pour peut-être pour répondre à cette question-là, dans la mesure où le fait que Jung ait quitté Freud a été analysé par les psychanalystes de l'époque d'une manière très dure et, à mon avis, assez injuste, enfin, sans qu'il y ait une véritable analyse, en fait, faite de comparaison des théories, de confrontation. Et les jugements à l'emporte-pièce durent toujours, hein. Et il semble que peut-être qu'on peut comprendre cette chose-là en partant de l'idée qui est une analyse faite par Jung du père idéal. S'il y a un père idéal, il ne peut y en avoir qu'un. Et bon, ce qu'un, Lacan le dit très bien, hein, le seul sachant, dit-il, c'est Freud. À partir de ce moment-là, les autres pères potentiels sont à abattre, ou bien en tout cas à négliger, puisqu'il ne doit y avoir qu'un père. Bon, voilà une compréhension possible de ces phénomènes-là. Toutes les personnes... Alors en ce moment, on est en train, c'est très intéressant... De redécouvrir, par exemple, Ferenczi. Il y a eu toute une période actuellement, enfin, de réintérêt pour cette œuvre d'une richesse inouïe. Et je pense que ça arrivera aussi pour Otto Rank, et également pour Jung. Pour Jung, c'est déjà un peu fait. Pour Jung, c'est un peu fait, oui. C'est de plus en plus. Mais il y a eu une longue période d'enfer. Hein. Je n'ai rien écrit dernièrement. Mais j'ai beaucoup réfléchi, ce qui a clarifié et confirmé mon sentiment d'en avoir marre de la psychanalyse et aussi de l'Amérique, c'est-à-dire de tout ce qui a trait à l'analyse dans ce pays. J'avais eu l'intuition, vous en souvenez-vous, de l'arrivée d'une vague freudienne qui va nécessairement durer quelque temps puisqu'elle représente la psychologie mécaniste que seuls des esprits formés de manière mécaniste sont capables de comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pressé ni d'enseigner ni d'écrire. De toute façon, j'ai le sentiment d'avoir quelques générations d'avance. À quoi donc me servirait-il d'accroître cet écart? Otto Rank à Jesse Teft, 3 novembre 1931. Judith Dupont, vous êtes vous-même psychanalyste et vous connaissez bien les rapports qu'il y a eu entre Otto Rank et Sandor Ferenczi qui ont ensemble publié un ouvrage traduit en français sous le titre « Perspective de la psychanalyse ». Oui. Comment se sont-ils rencontrés au départ, les deux hommes? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont jamais été vraiment des amis très proches? Freud a beaucoup encouragé cette amitié. Il les a poussés à faire des choses ensemble. S'est réjoui quand ils ont entrepris d'écrire cet ouvrage ensemble. Mais... je ne sais pas si le tempérament des deux hommes les rapprochait tellement. Dans cet ouvrage, ils s'éloignent un petit peu de l'orthodoxie freudienne. Ce travail cherche essentiellement à mieux cerner les interactions entre théorie et pratique de la psychanalyse. Ferenczi trouvait, notamment Ferenczi, que les analyses de cette époque-là, 22, 23, 24, avaient trop tendance à se délecter de recherches théoriques et à partir de là, essayer de faire entrer leurs patients dans les théories au lieu de les observer avec un esprit un peu plus naïf, réinventer la théorie par rapport à ce qui se passait dans les traitements. Et donc, quelle réforme propose-t-il dans la conduite de l'analyse? Alors, D'abord, ils font toute une critique des théories de la technique jusque-là. Et peut-être le centre de leur idée serait de favoriser la répétition que Freud a toujours vue plutôt comme un obstacle. Donc de favoriser la répétition dans la cure, non pas aux dépens de la remémoration, mais en même temps que... Parce qu'ils estimaient que beaucoup de choses se sont passées, des choses fondamentales et à la racine des névroses, dont le patient ne peut avoir aucun souvenir parce qu'il ne les a jamais vécues consciemment. Et il ne peut s'en souvenir, entre guillemets, qu'après l'avoir revécu dans l'analyse. Donc favoriser le revécu, l'expérience vécue, le présent de la cure, aux dépens des reconstructions intellectuelles. Et il souligne à plusieurs endroits que surtout ne pas faire un cours théorique aux patients, même pas dans les analyses didactiques. Et quel est l'autre apport important des perspectives de la psychanalyse ? Par exemple, une autre idée, ce qui était plutôt l'idée de Ranke cette fois, c'est de fixer un terme pratiquement dès le début. Et que cette pression pourrait accélérer l'analyse. Oui, c'était une des autres intentions de leur recherche. Alors, comment faire pour qu'une analyse dure moins longtemps ? Alors, il y avait toutes sortes de recherches. Est-ce qu'en réintroduisant un peu d'hypnose, un peu de suggestion, est-ce qu'on ne peut pas ainsi écarter des résistances et effectivement accélérer les choses ? Ont-ils finalement atteint leur objectif de raccourcir la cure psychanalytique ? Alors, Ferenczi a abandonné plus ou moins cet aspect de la recherche. Et Ranke, on ne sait pas exactement ce qu'il a effectivement fait, parce qu'il a toujours été assez évasif sur la réalité de sa technique et sur la réalité de ses résultats. Tous ceux qui sont séparés de Freud, si vous voulez, ont eu ce point commun de récuser l'intérêt pour le passé, l'intérêt pour l'infantile, l'intérêt pour la reconstitution historique d'une histoire sexuelle et infantile chez l'homme, au profit de l'ouverture vers le futur, le développement d'une personnalité. Et d'ailleurs, notez que Ranke, là aussi dans ses innovations, est un de ceux qui vont parler de la personnalité. Ce que Freud n'a jamais fait. Freud n'a jamais parlé d'une personnalité, et la notion d'identité n'existe pas chez Freud. C'est après Freud qu'on va parler d'identité à la place d'identification, qu'on va parler de personnalité comme un tout, comme une synthèse, alors que pour Freud, l'important était l'analyse. Alors aujourd'hui, plus de 40 ans après la disparition d'Otto Ranke, quelle est la postérité de sa pensée et de sa nouvelle méthode mise au point aux États-Unis ? La postérité est une postérité qui ne reconnaît pas la paternité, disons. Je crois que Otto Ranke est un des pères de très nombreuses méthodes psychothérapiques actuelles et de très nombreuses recherches, même psychanalytiques actuelles. Mais qui ne se réclame pas de lui. Et c'est assez curieux de voir. Il y a un petit cercle de Rankiens qui se développe d'ailleurs maintenant. Il s'est fait une association récemment en Allemagne, par exemple, etc. Ça bouge un peu autour d'Otto Ranke. La publication du livre de Liberman a été importante, après celle de Jesse Taft, très peu de temps après sa mort, qui avait été une de ses analysées et une de ses élèves. Mais il n'y a pas eu vraiment de grand mouvement rankien, alors que les idées qu'il a développées, elles, ont eu une postérité absolument fantastique. C'est quand même, une fois de plus, lui qui est le premier a mis le rôle de la mère au premier rang dans la genèse des troubles névrotiques, dans la conduite de la cure, parce que du coup, c'est lui qui a le premier dit qu'un transfert n'était pas forcément uniquement paternel, comme le pensait Freud, mais était également maternel. C'est lui qui véritablement a mis l'éclairage sur cet immense, ce continent noir de la féminité, pour employer l'expression de Freud, qui avait été jusqu'alors, c'est vrai, très mal exploré. Mais il l'a fait d'une manière finalement peut-être trop radicale. Il a jeté le bébé avec l'eau du bain finalement. C'est un petit peu dommage. Et je pense que par la suite, les psychanalystes qui ont pris ces idées ou qui sont allés dans le même sens que lui, mais en conservant quand même l'ensemble de la théorie freudienne, ont permis justement une évolution des idées psychanalytiques plus ordonnée et plus complète et plus nuancée que ce qu'a fait Rank, qui, malgré tout, avec son traitement en 3 mois, était assez peu crédible. Vous-même, aujourd'hui, en tant que praticien, Alain de Mijolin, est-ce que les idées d'Otto Rank, que vous connaissez bien, interviennent à un titre ou à un autre dans votre pratique? Je crois qu'elles interviennent dans toute pratique de psychanalyste à l'heure actuelle, dans la mesure où, après Freud et dans le prolongement de Freud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des psychanalystes, pensons à Winnicott, pensons à Melanie Klein, d'une certaine façon, pensons à tous ceux qui, après Ferenczi, ont également insisté sur l'importance des premières relations avec la mère. Donc, tous les psychanalystes freudiens sont imprégnés d'une recherche qui a été instaurée au départ par la provocation rankienne, si vous voulez, mais qui s'est détachée d'elle. Dans la pratique, c'est bien évident que, non pas qu'on cherche à faire des cures plus courtes, ça c'est pas vrai, ça serait mentir que de le dire, mais il est bien évident que la notion du transfert maternel qui peut être fait, de la relation maternelle qui est revécue, quel que soit le sexe de l'analyste et quel que soit le sexe de l'analysant au cours d'une cure, au long cours psychanalytique, cette notion-là est évidente et fait partie maintenant de notre technique et de notre pratique quotidienne. Le patient a besoin d'une vision du monde. Il en aura toujours besoin. Car l'homme a toujours besoin d'une foi, et ceci d'autant plus que l'accroissement de sa conscience de soi l'accule au doute. La psychothérapie n'a pas à avoir honte de son caractère philosophique, si seulement elle est en mesure de dispenser au malade la philosophie dont il a besoin, c'est-à-dire la foi en lui-même. Le double pour Otto Rank prouverait l'existence d'une pensée d'immortalité, on pourrait dire, chez l'homme. Et ça rejoint assez précisément une idée de Jung, qui est que le double, il ne l'appelle pas souvent double, Jung, mais ça revient à peu près au même, serait une image du soi, c'est-à-dire le fait... Alors il parle des dioscures, par exemple, Castor et Pollux. Donc l'un, vous le rappelez, est humain et mortel, destiné à mourir, et l'autre, dont le père est un dieu, est immortel. Alors il dit que l'homme et la femme donc sont comme ce double, ce couple de doubles des dioscures, à la fois avec une destinée humaine et uniquement humaine, donc avec la mort au bout, et quelque chose de divin, de ressenti, et qu'il analyse, lui, d'une manière clinique, comme étant en relation avec son concept de soi. Alors, à ce moment-là, on peut faire des ponts, effectivement, entre la conception du double d'Otto Rank et celle de Jung. c'est-à-dire cette coexistence dans l'homme d'un destin de mortel et d'une idée, alors Jung la nomme archétypique et Hauteranck non, d'immortalité. Texte aussi d'Hauteranck qui était posthume et qui n'a pas encore été traduit en français, où on voit peut-être son ultime aboutissement. Oui, alors l'ouvrage qui a paru d'abord en tirage confidentiel s'appelle Beyond Psychology, n'est-ce pas, c'est le Par-delà la psychologie. Par-delà la psychologie, c'était l'aboutissement de l'œuvre de Rank. Donc c'est le thème du dépassement de la psychologie, de la psychanalyse plus particulièrement. C'est finalement le recours à une instance spirituelle, n'est-ce pas, qui est le destin personnel. C'est-à-dire que Rank invite les humains à se prendre en charge eux-mêmes, non pas à recourir au médecin, n'est-ce pas. Il dit qu'il n'y a pas de médecin, n'est-ce pas, pour le sujet en difficulté, n'est-ce pas, qui est capable de s'assumer lui-même. Il, au fond, Rank remarquait que dans la clientèle des analystes, il y a quand même beaucoup de personnes qui auraient pu faire autre chose, n'est-ce pas, que de l'analyse. Et dans Par-delà la psychologie, Rank, un peu comme Jung, réhabilite le recours au spirituel, n'est-ce pas, le recours au sacré, n'est-ce pas. Il dit que il y a du côté de la spiritualité, du côté de la religion, il y a des éléments, n'est-ce pas, qui permettent une dimension d'existence qui permet à des gens en difficulté, n'est-ce pas, de faire l'économie du traitement analytique. Et il était, au fond, très autocritique, hein, parce que lui-même vivait, n'est-ce pas, de la psychanalyse, il exerçait, n'est-ce pas, les fonctions d'analyste, mais il était extrêmement critique, comme il l'avait été à l'égard de Freud, il l'était devenu aussi à l'égard de lui-même. Cette émission est dédiée à la mémoire de Pierre Solier. Hauteranck, la volonté créatrice, avec Claude-Louis Combet, écrivain et traducteur, Alain de Mijola, psychanalyste et historien de la psychanalyse, Aimé Agniel, analyste jungien, Pierre Bitoun, pédiatre, Judith Dupont, psychanalyste, la voix d'Anaïs Nin, archive INA, entretien avec Dominique Arban et Pierre Lost, texte dit par Jean-Luc Debatisse, enregistrement Pierre Garrigue, mixage Cyril Bécu, Agnès Maton. Hauteranck, la volonté créatrice, une émission de Bénédicte Niogret dans une réalisation de Jean-Claude Loiseau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 avril 1997. Vous pouvez la réécouter et la télécharger en vous rendant sur la page des nuits via franceculture.fr.